And now here's the first part of that scene. Monsieur Saville? I'm sorry? Vous êtes de Snack Track, n'est-ce pas? Snack Track? Oh, yes, that's me. Eh bien, bonsoir et bienvenue à Paris.